Chapitre 5e, le châtiment. Une longue ligne pâle zèbre le ciel. Cette lueur plane au-dessus de la mer. Elle a la forme d'un long poisson d'argent. C'est un zeppelin qui attend qu'un signal lui indique l'endroit où il doit semer l'épouvante et la mort. Là-bas, au large, de Wegeland, tout feu éteint lui aussi attend le retour de son capitaine. En bas de la falaise sur laquelle est construit le nid, le canot automobile est là, prêt à repartir. « Au diable, si je comprends quelque chose à cette expédition !» déclara Matelot. « Vous avez vu les lumières, puis extinction complète des feux, et le capitaine n'en finit pas. Ma parole, on dirait que le jour se lève !» Les camarades n'ont pas le temps de répondre. La lucarne du belvédère s'est rouverte toute grande cette fois. Une lueur y apparaît. Elle est mauve et, montant d'abord, descend brusquement à gauche où elle s'immobilise. « Tiens !» reprend le matelot que le jeu des lumières avait si fort intrigué. « Regardez donc, les amis, voici le phare qui se rallume. »« Et ce que tu prenais pour le brouillard du matin s'allume aussi, mon camarade. » En effet, au ciel, brouillard argent dans le brouillard sombre, une étoile se détache. Elle file vers l'est. En même temps, un grondement caractéristique parvient aux oreilles des matelots. « C'est un zeppelin !» s'exclame-t-il. « Et c'est de la maison du capitaine que... » reprend le premier. Il n'ose pas achever. « Les affaires du capitaine ne nous regardent pas, » dit un autre. « Nous faisons notre devoir, il fait le sien comme il l'entend. »« Parbleu !» À ce moment, le capitaine Monglas arrive, monte dans le canot, et d'une voix joyeuse, il annonce « Mes enfants, je viens de jouer un bon tour, Boche. Filons, filons vite, il ne fera pas bon par ici dans 10 minutes. » Quelques instants après, le canot automobile aborde avec Gallant. « Wharton, vous avez vu les lumières ?» demande le capitaine à son second, aussitôt qu'il est à bord. « Vous en connaissez la direction ?»« Oui, mon capitaine. Chez moi. »« Je vous expliquerai cela. Faites pointer le canon. » À l'horizon, à présent, le zeppelin apparaît très distinctement. « Hardi, Fred, hardi, mon garçon. Encourage, Mr. Monglas. 20 guinées à celui qu'il touchera le premier. » Autour du mastodonte aérien, une fumée blanche et des flammes jaillissent au coup de canon tiré par le pointeur de Wegeland. « Il tangue. Il est touché. Hardi, mes enfants. » « Un peu plus à droite, » conseille le capitaine. « Je suis sûr qu'il ne peut plus gouverner. Allons, à toi, Eric, de l'œil et du doigt. Il y a 20 guinées aussi pour tes fiançailles. Une détonation. » Dans le grenier, où maintenant le silence règne, l'espionne revient peu à peu à elle. Elle est étendue à terre. « Oh » balbutie-t-elle, quand la conscience nette des choses lui remet à l'esprit la scène qui vient de se passer. Oh, le signal mauve! Un demi-jour éclaire la mansarde qui devrait être plongée dans l'obscurité. Des pensées tumultueuses de haine et de terreur assaillent le cerveau de l'Allemande abandonné là, bâillonné, ligoté. Aurait-on découvert le code des signaux? Ne serait-ce que par hasard que devant la bougie qui achève de se consumer sur la table est placé le verre mauve, signal qui doit indiquer la route à l'agent de destruction et de mort? Serait-ce la fin de tous ces rêves de Prussienne orgueilleuse? Il n'est pas possible qu'elle finisse ainsi. Il ne faut pas non plus que soient trompés ceux qu'elle était chargée de renseigner. Ah, comme elle est davantage encore ce pays, où elle a vécu depuis 4 ans, épiant dans l'ombre les secrets de la famille Monglas. Comme elle voudrait se venger encore d'avoir été découverte. Le temps presse. Ses compatriotes vont tomber dans le piège qui leur a été tendu. Il faut les prévenir. Peut-être n'est-il pas trop tard. L'Allemagne au-dessus de tout. Elle se roule à terre, cherchant un objet pour couper ses liens. Elle arrive ainsi jusqu'à la lucarne. Alors, dans le ciel sombre, elle aperçoit la tache sombre du zeppelin. À ce moment précis, se détachait la petite étoile que les matelots avaient vue se diriger vers l'est. « On a fait les signaux, » rugit-elle en elle-même. « Ils ont tout découvert. Le zeppelin vient de répondre. » La rage lui donne la force de se dresser contre la muraille. D'un coup violent, elle enfonce ses mains liées dans le carreau de la lucarne et sur les bords ébréchés, elle lime les cordes qui l'étreignent. Elle ne sent pas le sang qui coule de ses doigts. Elle éprouve une joie furieuse de se sentir libre enfin. Elle est vaincue, soit, mais elle peut nuire encore et elle nuira. Vivement, elle arrache son bâillon, défait les entraves qui nouent ses chevilles et se précipite à la cachette du téléphone. « Berlin, Paris, Londres et Berlin !» C'est l'appel qui informe qu'il y a urgence. Une voix énervée demande au bout du fil « Qu'y a-t-il encore ? Nous sommes trahis !» Une exclamation de colère vibre en Cressel un long moment. « Expliquez-vous vite !»« Le Z, informe l'espionne, a pris une mauvaise direction. Quelqu'un vous a parlé tout à l'heure ? N'était-ce pas vous ? Non, je... » Un vacarme effroyable coupa le reste de la phrase. Le toit venait de s'effondrer et le plancher de s'ouvrir. L'Allemand tomba dans un gouffre d'où jaillit une flamme, puis un immense incendie. Cette fois, Miss Gretchen Horskild ne devait plus se réveiller. Un quart d'heure plus tard, le joli cottage qu'on appelait le nid n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Le coup du pointeur Eric avait porté. En vain, le zeppelin essaya-t-il de se relever, de fuir. La flamme qui courait le long de sa carcasse se développa, se propagea et bientôt l'enveloppa tout entier. Alors une explosion terrible se produisit. Les bombes emportées par le monstre éclataient, lui-même piquait droit et s'abîmait en feu. Avec leurs jumelles marines, le capitaine Monglas et son second suivaient attentivement les phases du drame aérien. « Mais, capitaine, observa Worthon, n'est-ce pas votre maison qui flambe ?»« Oui, mon ami. J'avais ordre de repérer le centre d'espionnage de la côte et de le détruire si possible. C'est fait. J'ai rempli mon devoir. Et qui plus est, j'ai joué un bon tour au Boche. Vive l'Angleterre ! Vive l'Angleterre ! Reprirent unanimement les matelots.